Nous avons déjà vu je peux, qui se dit posso. Posso, oui, P-O-2-S-O, posso. Et ensuite, vous pouvez, lorsqu'on vous voit son interlocuteur, può. Può, può. Alors, si on veut dire je regrette, mais je ne peux pas le faire maintenant parce que je suis très occupé, sachant que c'est un homme qui parle, on dira je regrette, c'est-à-dire en italien ça me déplaît. Mi dispiace. Mi dispiace, mais. Ma. Je ne peux pas le faire maintenant. Non posso farlo ora. Oui, parce que. Perché? Je suis très occupé quand c'est un homme qui parle. Io sono. Je suis, et non pas moi, je suis. Sono. Sono très occupé. Sono molto occupato. Mi dispiace, ma non posso farlo ora perché sono molto occupato. Très bien. Dites maintenant, mais je peux le faire plus tard si j'ai le temps. Ma posso farlo più tardi. Si j'ai le temps. C'est-à-dire, tout simplement en italien, si j'ai temps. Si j'ai. Se ho tempo. Ma posso farlo più tardi se ho tempo. Bon, alors, rester se dit restare. Et je reste? Resto. Resto. Resto. Et rappelez-moi comment on dit je suis occupé quand c'est un homme qui parle. Sono occupato. Sono occupato. Et maintenant à vous et cette infâme qui parle. Je suis occupé? Sono occupata. Bien. Sono occupata. Fatigué se dit stanco. S-T-A-N-C-O. Stanco. Quand c'est d'un homme qu'il s'agit. Donc, je suis très fatiguée maintenant. Sono molto stanco ora. Bien. Sono molto stanco ora. Et maintenant, si c'est une femme qui parle, comment direz-vous je suis très fatiguée? Sono molto stanca. Très se dit toujours molto. Molto. Sono molto stanca. C'est ça, voilà. Sono molto stanca. La maison se dit la casa. La casa. À ne pas confondre avec la cosa, qui veut dire la chose. La cosa. Donc, la casa, C-A-S-A, c'est la maison. Pensez au mot casanier en français. A casa, c'est à la maison, chez soi. Alors, je reste à la maison, se dit? Resto a casa. Tout à fait. Resto a casa. Ce soir, c'est stasera. S-T-A-S-E-R-A. Stasera. En un seul mot. Sera veut dire soir et stasera, ce soir. Sta est la contraction de questa, qui signifie cette. C-E-T-E. On emploie cette, un féminin donc, parce que sera, soir, est un mot féminin en italien. Ça donne stasera, ce soir. Donc, si vous voulez dire « je suis fatigué, je reste à la maison ce soir » et que vous êtes un homme, vous direz « sono stanco ». « Sono stanco, je reste à la maison ce soir ». Sono stanco. Resto a casa stasera. C'est ça. Sono stanco. Resto a casa stasera. Alors, maintenant, c'est une femme qui parle. Dites alors, je suis fatiguée, je reste à la maison ce soir. Sono stanca. Ce n'est pas stanca, mais stanca. Ah oui. Sono stanca. Je reste à la maison ce soir. Resto a casa stasera. Oui, voilà. Sono stanca. Resto a casa stasera.